إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون إن من الأمور التي تحجب المسلم عن مرضات ربه تعلقه بالدنيا أو مسلمان il y a parmi les éléments qui vont faire obstruction entre le musulman et les causes de la satisfaction de son Seigneur, il y a le fait que celui-ci, que le musulman s'accroche à la dunya, les biens de cette dunya, les biens de ce bas monde. فَمِنْ أَجْلِهَا يَتْرُكُ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Et donc c'est à cause de cette dunya que le serviteur va délaisser certaines des prescriptions que son Seigneur lui a ordonnées. وَمِنْ أَجْلِهَا كَذَلِكَ يَرْتَكِبُ الْعَبْدُ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ. Et c'est aussi à cause de cette dunya que le serviteur va accomplir ce que son Seigneur lui a interdit. Pour bénéficier des délices de ce bas monde, argent, gloire ou autre. فلنتعرف قليلا بهذه الدنيا التي يتنافس الناس عليها. Alors, faisons un peu connaissance avec cette dunya, ce bas monde. Ce bas monde pour lequel les gens se concurrencent. لنعلم أهي مستحقة لهذه العناية التي يعتني الناس بها. Afin qu'on puisse savoir si réellement cette dunya, ce bas monde, mérite toute cette attention qu'on lui accorde. Voyons voir que dit notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala de ce bas monde dans son livre. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, « I'alamu annama l'hayatu d'unya la'ibun, wa lahwun, wa zinatun, wa tasakhurum beynakum, wa takathurum fil amwali wal awlad. Kamathali ghaysin i'jaba al-kuffara nabatuh, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutaman. » وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez que la vie de ce bas monde, la vie d'ici-bas, n'est que jeu et distraction, ainsi que vaine parure, une parure qui est belle mais qui est trompeuse, qui n'a pas d'importance. Ainsi que une concurrence entre vous. Une concurrence à l'honneur, à la fierté. Et une course au gain. Une course pour savoir celui qui aura atteint le plus de biens ou le plus d'enfants. Cette dunya est comparable à une pluie. Kamel Salira ici, comme l'exemple d'une pluie qui va émerveiller les cultivateurs. Il y a beaucoup de personnes qui savent cultiver et qui connaissent un petit peu toutes les règles liées à ce domaine. Ils nous disent ici, en Martinique, la terre, elle est très fertile. En Martinique, tu plantes des choses, mashallah, ça pousse vite. Et donc, ces gens sont émerveillés par ce qui résulte de cette pluie. Les plantations, la végétation qui pousse, ils sont émerveillés par celle-ci. Waouh ! Summa yahij. Puis, cette végétation va pourrir. Fatarahu musfarra, et tu la vois jaunir. Summa yakunu hutaman, et à la fin, ce sont des débris. Ce sont des débris, des déchets. Mais par contre, dans l'au-delà, il y a un châtiment douloureux ou un pardon venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, la vie de ce bas monde n'est qu'une jouissance trompeuse. Une jouissance trompeuse, quelque chose qui te fait plaisir pendant de courts instants et qui te trompe et qui t'éloigne de ce qui t'est profitable. فَهَذِهِ حَقِيقَةُ الدُّنْيَا. Voilà la réalité de ce bas monde dans lequel nous vivons. لَعِبٌ لِلْأَبْدَانِ وَلَهْوٌ لِلْأَنْفُسِ. Un jeu pour le corps, une distraction pour l'âme et l'esprit, une concurrence, وَتَنَافُسٌ فِمَا لَا يَنْفَعُنَا. Concurrence dans ce qui ne nous est pas profitable. وَفِمَا يُبْعِدُنَا عَنْ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Une concurrence dans ce qui nous éloigne de notre Seigneur, تَبَارَكَ وَتَعَالَى. مع أن الناس لو سألناهم هل الفوز تريدون. Alors que les gens, si on les interroge, est-ce que c'est la victoire et la réussite que vous voulez? من يقول لا. Qui va dire non? Qui va dire non? Je ne veux pas la réussite éternelle, je ne veux pas la félicité. من يجرأ لذلك. Qui ose dire non? Je ne veux pas la réussite. طيب فهل الفوز هل الفائز اكثر الناس متاعا في الدنيا. Est-ce que celui qui réussit, celui qui a la victoire, il est celui qui a le plus de délices ici-bas? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, كل نفس ذائقة الموت. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Mais cependant, vous serez pleinement rétribués au jour de la résurrection. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui alors qu'on éloignera du feu et qu'on fera rentrer au paradis, c'est lui qui aura réussi. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et certes, la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. إِذَنْ هَذِهِ الْحَيَاةُ تَغُرُّ الْعِبَادِ. Et donc cette vie d'ici-bas, elle trompe les serviteurs. وَتُبْعِدُهُمْ عَنِ الْفَوْزِ الدَّائِمِ. Et elle les éloigne de la réussite éternelle. لِذَا لَا تَغْتَرْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِهَذِهِ الدُّنْيَا. Et donc, ô serviteur d'Allah, ne sois pas trompé, ne sois pas leurré par cette dunya et cette délice. Sorat is-salatu fil masajid thaqilatan 'ala an-nas 'ala al-'ibad. La prière à la mosquée est devenue lourde et difficile pour les serviteurs. C'est difficile de venir à la mosquée. On arrive à venir à la mosquée une fois dans la semaine, le vendredi, le jour de la khutbah. Les autres jours, c'est difficile. Pourquoi? Mouchriloun bid dunya, occupé par cette dunya. On a du travail, on a ci, on a ça. Occupé par cette dunya. Ya Abdallah, innaha ghurur. Ô serviteur, cela est trompeur. Ne te laisse pas éloigner de ce qui t'est profitable. فَبَعْدُ النَّاسِ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذِهِ الدُّنْيَا كَتَعَلُّقِ الْبَعْضِ بِسَرِيرِهِ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ. Certains sont aussi accrochés à ce bas monde, comme l'est celui qui est accroché à son lit au moment du fajr. Jusqu'à ce que le soleil se lève, il n'arrive pas à se défaire de son lit pour aller prier Fajr. Le fait d'être accroché à cette dunya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah. Was salatu was salam ala man la nabiyya ba'dah. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله هذه المعلومات التي تستمعون إليها أو تسمعونها الآن ليست بجديدة عليكم أو serviteurs d'Allah, mes chers frères, mes sœurs, ces informations que vous entendez actuellement ne sont pas nouvelles pour vous. Elles ne sont pas nouvelles. Kulluna qara'na at-tahdhir min at-ta'alluq bid-dunya. Nous avons tous lu les mises en garde qu'il y a dans le Coran quant au fait de s'accrocher à cette dunya. Nous sommes tous au courant de cela. Taïb, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à décrocher? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à décrocher aux serviteurs d'Allah? Mais où est le sabab? Le sabab, أن الإنسان يرى أجله بعيدا. La cause est que l'être humain voit sa fin, il la voit loin. Il ne pense pas qu'il va mourir aujourd'hui et que aujourd'hui il faut qu'il fasse attention à faire ses 5 prières à la mosquée. On ne lui a pas annoncé, attention monsieur, vous avez un cancer, vous allez mourir après-demain. Après-demain, ok, toutes les prières, aujourd'hui et demain, je les fais à la mosquée. Aujourd'hui, demain, je jeûne. Après-demain, c'est fini. Et donc là, il faut faire le max. Mais non, l'être humain n'a pas cela, il ne sait pas quand il va mourir. Là, il arrive, mais c'est ajalo. Fayarahu ba'idan. Et donc, il voit que sa fin, elle est lointaine. فيقول في نفسه لو جمعت ما أحتاج إليه لاجتناب الفقر لنفسي ولأسرتي ثم بعد ذلك نتوب إلى الله تبارك وتعالى وبهذا نفوز الأمرين فوز الدنيا والآخرة. L'être humain se dit en lui-même: si seulement je pouvais amasser le plus d'argent que possible, rassembler le plus d'argent que possible afin de pouvoir me préserver moi et ma famille de la pauvreté, et ensuite, après cela, vu qu'on a de l'argent, eh bien après cela, je reviens repentant à Allah Azza wa Jal, là je fais l'ibada, à ce moment-là je me contente à essayer de mémoriser le Coran, essayer de voir le tafsir, etc. Ça, c'est après avoir gagné de l'argent. Et ainsi, l'être humain, il espère obtenir, réussir, ici-bas et dans l'au-delà. J'ai gagné les deux. J'ai rassemblé de l'argent, j'ai eu de l'argent, et en plus de ça, après j'ai fait tawbah, et alhamdulillah. Il ne sait pas quand la mort va venir le saisir. Wa hal al-faqr amrun makhufun ila hadhihi ad-daraja? Est-ce que la pauvreté est quelque chose qui nous fait aussi peur que cela? Que disent les textes islamiques de la pauvreté? Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit clairement dans son livre: al-haakum at-takathur. L'appât du gain, la recherche de l'argent vous a distrait. Elhaakum an ma yanfa'ukum. Vous a distrait de ce qui vous est profitable. Et donc tu es là à chercher comment gagner de l'argent plus, comment faire, comment. L'appât du gain t'a distrait de ce qui t'est profitable. Jusqu'à quand? Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Au début, tu as dit, je ramasse de l'argent jusqu'à ce que j'en ai assez pour être bien. Et à la fin, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Quel est ça vous fait ça à la moon? Non, vous saurez. Vous saurez tout ce que vous avez délaissé. Summa quel est ça vous fait ça à la moon? Puis, encore une fois, vraiment, vous saurez. Vous saurez ce que vous avez délaissé. Une fois que vous arriverez dans cette tombe et que vous serez interrogé concernant toutes ces obligations qui ont été délaissées à cause de la dunya et toutes ces interdictions que nous avons accomplies à cause de la dunya et ces délices. Akhraj al-Bukhari wa muslimun fi sahihayhima anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akol wallahi mal faqra akhsha alaykum. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leurs deux recueils respectifs, Al-Sahihayn, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, ce n'est pas la pauvreté qui me fait peur vous concernant. Les gens ont aussi peur de la pauvreté, mais ce n'est pas la pauvreté qui me fait peur vous concernant. Wa innama akhafu alaykum an tubsata lakum ad-dunya. Cependant, ce qui me fait peur vous concernant, c'est que la dunya vous soit accordée pleinement. Tenez la dunya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Et qu'à ce moment, vous commenciez à vous concurrencer dans la dunya comme les peuples d'avant vous se sont concurrencés dans la dunya. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Et à ce moment, cette dunya va vous mener à votre perte comme elle a mené les peuples d'avant vous à leur perte. Ibadallah. لا تتركوا هذه الدنيا التي اسمها دليل على دناءتها تبعدكم عن ما ينفعكم في هذه الدنيا والآخرة. Ô serviteur d'Allah, ne laissez pas cette dunya dont son nom est une preuve qui montre le fait qu'elle est vile, qu'elle n'a pas d'importance. Cette dunya, dans la langue arabe, ce qui va être le plus bas. Ce qui est le plus bas, qui n'a pas d'importance. Ne laissez pas cette dunya vous distraire de ce qui vous est profitable ici-bas et dans l'au-delà. Ne vous laissez pas tromper. Et pour vous montrer comme cette dunya n'a pas d'importance, on va finir avec un hadith très important. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. Muslim a cité dans son sahih, d'après Jabir ibn Abdillah رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق. Que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est passé dans le marché. والناس حوله. Et les gens étaient autour de lui. فمر بجدي أسك ميت. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il est passé à côté d'un chevreau, le petit d'une chèvre. Un chevreau mort qui avait de petites oreilles. فَأَخَذَهُ بِأُذُنِهِ. Et donc le prophète, il l'a saisi par son oreille. فَقَالَ مَنْ يُرِيدُ هَذَا بِدِرْهَمْ. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui veut cela? Ce chevreau mort avec une petite oreille, qui le veut pour un dirham? Qui le veut? Les compagnons ils dirent, Ya Rasulallah, mais nous riduhu biché. Et je dis au messager d'Allah, on ne le veut pour quoi que ce soit. On n'en veut pas. Même gratuitement, on ne le prend pas. Ici, à notre époque, les gens ils vont dire, même si tu nous donnes 10 euros, on ne le prend pas. Le prophète, il a répété la question. Man yuridu an yakuna lahu dhalik. Qui veut que cela lui soit à lui? Ils ont dit, Ya Rasulallah, law kana hayyan fi aib. Ô messager d'Allah, même s'il était en vie, il a un défaut. Même s'il était en vie, il a un défaut. Quel est ce défaut? Il a de petites oreilles. C'est un défaut. On ne l'aurait pas pris, même s'il était en vie. C'est mais alors qu'un homme est éteint. Alors que dire alors qu'il est mort? Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallahi, par Allah, inna hadhihi dunya ahwanu inda Allah min hadha indakum. Certes, cette dunya tout entière, elle est plus méprisable auprès d'Allah, elle est plus méprisable pour Allah, tabaraka wa ta'ala, que cela, donc que ce chevreau pour vous. Que ce chevreau pour vous. Et donc tous ceux qui se concurrencent dans cette dunya, tous ceux qui sont concernés, qui font prévaloir la dunya, l'appât du gain, à leurs obligations religieuses, qui veut délaisser sa religion pour un chevreau mort avec de petites oreilles? Qui veut délaisser ses obligations religieuses pour un chevreau mort avec de petites oreilles? Ya ibadallah, afiqou, réveillons-nous. Il a metta. Jusqu'à quand allons-nous continuer comme cela? Il a le koubour jusqu'au cimetière. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yutahhira kulubana wa an yarudda shababana raddan jamilan wa an yaruddana ila kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de purifier nos cœurs et de nous ramener vers l'application de son livre et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa aqimu ssalat.